Hamza tul qat. Donc tu dis ana azhabu à la wazn af'alu. Et la dhamma que tu vois à la fin du verbe, c'est alamat raf, ce qui prouve que le fi'l est marfou. Et pour le mouf, le jam, au fait ana il marche pour les deux. Les zakar, le muzakar ou muannas. Une femme a dit ana azhabu, et un homme il dit ana azhabu. Il est pareil, c'est même dhamir. Et pour le jam du mutakallim, l'orateur en groupe ou celui qui élève sa personne, il parle nahnu, mais il parle de lui tout seul, tu vois. Nahnu nadhhabu. À la waz naf'alu. Donc cette fois on met quoi? On met un nun en début de fi'al. Et le fi'al pareil, la dhamma, c'est qu'il est marfou. Donc là, alhamdoulillah, on a appris comment conjuguer un verbe au présent, fi'al mudari'. Mais bien sûr là c'est le fi'al thulathi à trois lettres. Après il y a d'autres afael avec d'autres nombres de lettres qui diverses, qui a d'autres règles. Mais à chaque fois c'est souvent c'est mathématique. Quand tu as appris par exemple la règle pour le thulathi, en général ils sont tous pareils. Quand tu as appris la règle pour le ruba'i à 4 lettres, après ils marchent tous sur le même truc. Tu as appris le khumasi 5 lettres, thulathi 6 lettres, c'est le dernier thulathi. Après ils marchent tous sur la même ligne. Tu apprends la base, après les autres tu les appliques. Il s'adapte. Non. Souvent le solf, c'est mathématique. Attendez, maintenant on va prendre les tamarinat pour mettre en pratique cela. Awal yakul akmil al-jumal al-atiyata bi wad al-fi'l dhahaba fi al-mudari' ba'd isnadihi ila al-damir al-munasib. Donc il dit complète les phrases en plaçant le fi'l dhahaba à la forme du présent après l'avoir attaché à un damir qui convient. Tafadhal al-jumal al-oula. في أي ساعة تذهبين إلى الجامعة يا عائشة؟ نعم. À quelle heure vas-tu à l'université ou عائشة؟ أحسنت. ثانيا. الطلاب يذهبون إلى الملعب بعد الدرس. نعم. Les élèves vont au terrain de jeu après le cours. نعم. ثالثا. أنا أذهب إلى السوق يوم الجمعة فقط. نعم. Dis-moi, je vais au marché le jour juste le jour du Jumu'a ou le jour du Jumu'a seulement. رابعا متى تذهبون لزيارة المدير يا إخوان؟ نعم. Donc quand allez-vous aller pour visiter le directeur ou les frères؟ خامسا أمي تذهب. نعم. أمي تذهب إلى المستشفى كل يوم. لأنها مريضة كل يوم. أيوة. لأنها مريضة. نعم. ما مير va à l'hôpital tous les jours car elle est malade ou parce qu'elle est malade. سادسا. أتذهبنا إلى المكتبة كل مساء يا بناتي. نعم. Est-ce que vous allez à la bibliothèque tous les matins؟ Non, مساء c'est après-midi à fond. Oh les filles, oh mes filles. سابعا. لما لا تذهبوا إلى المطار معنا؟ معنا. معنا يا عباس. Il dit pourquoi ne vas-tu pas à l'aéroport avec nous؟ Là c'est معا. Avec Damien نحن. معنا. معنا. يا عباس. Pourquoi ne vas-tu pas à l'aéroport avec nous؟ أو عباس. ثامنا. نحن نذهب إلى الجامعة بسيارة. بسيارة الأجرة. نعم. Nous allons à l'université en taxi. سيارة أجرة. C'est le taxi. أجرة à la base ça veut dire paye, tu vois. Ou autre chose, ça peut être une paye, ça peut être une récompense. Là, le but c'est de dire quoi? Une voiture qu'on paye. Donc c'est un taxi chez nous. تاسعاً. أبي يذهب إلى المصنع في ساعة العاشرة. Mon père va à l'usine à 10h. عاشرًا. إخوتي يذهبون. أخواتي يذهبنا إلى المدرسة بالحافلة. نعم. Donc mes sœurs vont à l'école en bus ou en car. تمام. Après ça il dit ثانيًا أكمل الجمل الآتية بوضع فعل مضارع مناسب في الفرع. Donc complète les phrases suivantes en mettant un fi'l mudari qui correspond. Là, tu prends le fier, c'est à toi de le trouver. Jumal Oula. Atarifu اللغة العربية يا سيدي. نعم. Connais-tu la langue arabe, traduire Sayyidi, mon chef. Mais à la base, Sayyid ou Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, et tu peux des fois dire Sayyid pour un peuple. Il y a déjà des Adilex au dessus. Et traduire, ouais, par le, c'est le chef d'un groupe. Tu vois, celui vers qui on revient. Nam, Sanyan. Nahnu, nalabu, kurat al-qadami, kulla masa. Donc nous jouons au football tous les après-midi. La'ab. Subhanallah. Thalithan. Comme Shah a dit, même les joueurs pro, ils ne jouent pas tous les jours. Ils se reposent. Ils jouent tous les après-midi. Afi al-mahajir al-jami'ati. Afi al-mahajir. J'ai entendu comme c'était mieux les fois. Mahajir al-jami'ati. Taskunu. يا إخوان. تا. تسكنون. نعم. يا إخوان. Est-ce dans les dortoirs de l'université que vous vivez, ou les frères؟ رابعا. طيب. التجار. يفتحون دكاكينهم في الساعة التاسعة. نعم. Les commerçants ouvrent leur boutique ou leur magasin à 9h. دكاكين, c'est le jam de دوبكان. خامسا. يكتب المدرس الدرس على الصبورة. نعم. L'enseignant écrit le cours sur le tableau. سادسا. إخوة حمزة. أخوات حمزة. Qu'est-ce qu'ils font la Jamia? Qu'est-ce qu'ils font les gens la Jamia? Ils étudient. Et donc? Yotlabun. Là c'est Akhawat. Yotlabna. Là, prends Darasa. Yotlabna. Prends le fil Darasa. Yadrusna. Nam. Biljamiati. Nam. Sabian. أنا قرأت لا أنا أقرأ نعم القرآن كل صباح دي moi je lis le Coran ou je récite le Coran tous les matins lui الحمد لله c'est mieux que ceux qui vont jouer au foot tous les après-midi peut-être que c'est lui ah bah c'est dommage c'est du gaspillage ثامنا في أي محطة تنزل يا أخي نعم à quelle station descends-tu au mon frère تاسيان أختي تعرف ثلاث لغات. نعم، ما سير كوني 3 لغات. عاشرا. من أي إذاعة تسمعنا الأخبار يا فتيات؟ نعم، de quelle radio écoutez-vous les infos ou les jeunes filles؟ طيب هذا مفهوم الحمد لله. Maintenant, il dit ثالثا. صحح الجملة الآتية. Corrige les phrases suivantes. Donc il va avoir des phrases. Sûrement il va mettre un domir ou un verbe qui ne correspond pas avec le fa'il. C'est à toi de corriger. طيب. جملة أولى يقول يا مريم أتعرف رقم هاتف المديرة؟ أو مريم connais-tu toi comme un homme le numéro du téléphone de la directrice. يا مريم أتعرفين نعم. رقم تنزيل رقم هاتف المديرة نعم أحسنت أتعرفين ثانيا يدخلون الطلاب الفصل قبل دخول المدرس donc je pourrais pas traduire avec l'erreur c'est les élèves rentrent dans la classe avant l'entrée du professeur Et maintenant, l'erreur, elle est où? Où est l'erreur? C'est-à-dire, il y a trop de monde. C'est un peu qu'on a déjà vu. Yadkhala. Hmm? Yadkhala, non? Yadkhala.

qui dit que le verbe il est marfou. Tazhabna, là c'est quoi? Mukhatab, jam, mouannas. Donc c'est te harf moudalia, zaid, fir zahaba, fir moudalia, zaid, nun, et niswa, et le fa'il, c'est damir, muttasil. Adzhabu, là c'est mutakallim, un mufrad. Donc c'est hamza, hamza tulkata. Ça s'appelle comme ça, hamza tulkata. Qui est harf moudalia, zaid, fir zahaba, fir moudalia, زيد ضمير مستتير تقديره انا طيب انا اذهب وتذهب او نذهب عفوا سنون حرف مضارع زيد ذهب ومضارع زائد ضمير مستتير اذ ضمير مستتير تقديره sous entendu نحن مفهوم ال لا شيء نوع كما نفعل في المضارع ولي فاسيل سي pour le ghaib au début, c'est ta pour le mukhatab, et c'est le hamza pour le mutakallim et le mufrad, et nun pour le mutakallim et le jam. Et aussi dans le ghaib, il y a une exception, c'est pourquoi un ti, hiya afwan, on met un ta. Hiya tazhabu. Naam. Tayyib el kalimat jadida, il y en a trois. Sayyarat ul ujra. Donc ça, on a dit c'était quoi? Taxi. Taxi. Sof, jam, soufouf. C'est un rang. Naam, le rang. Et akhir. Dernier. نعم دعني مفهوم هذا؟ نعم طيب فسنكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.